m'appelle Brice, viens de Nice, du surfeur winner, ascendant snowboarder. Je suis le roi de la glisse, pas besoin de notice. Sur les autres surfaces, je suis le roi de la casse. C'est le casse de Bryce, c'est le casse de Bryce, c'est le casse, casse, casse, casse, casse de Bryce. Du cash. Be nice with Bryce. Give me the money, hey, c'est par ici, Dieu vous le rendra, c'est un ami. T'as de la chance, mamie, aujourd'hui, spectacle gratuit. Pourquoi tu t'arrêtes? C'est Bryce on dit, c'est le casse de Nice. C'est quoi? C'est le casse funky, ah ouais. C'est le casse de Bryce. Très bien compris, il y a juste assez pour un frisbee. J'ai embrassé de gros euros, faites un effort, c'est pour le show. C'est le casse, c'est le casse, c'est le casse, casse, casse, casse, casse, casse, donne-moi du cash. Body mama, be nice with Bryce. Ton cash me plaît, allez casse comme moi, donne tout ce que t'as pas. Ça c'est fait. C'est Bryce, c'est le cash de Nice, c'est le casse funky, c'est le casse de Bryce. Bah danse. Ah tu danses. Donne-moi du cash. Ouais. Ouais. C'est bon ça. Ouais. T'es là alors. Vous êtes tous là. Ouais. Je me la donne. Je me la donne. Je me la donne. Ami, ouvrez votre cœur. Des prix, ce que Dieu vous donne, prix, multiplie, coquille, le coffre. C'est le casse de Bryce, c'est le casse de Bryce, c'est le casse, casse, casse, casse, casse de Bryce. C'est le casse de Bryce, c'est le casse de Bryce. C'est le cash, cash, cash, cash, cash, cash, the rock.